Bonjour, comment ça va? Ah, voici un test. Alors, bienvenue à la Société de recherche en orientation humaine. Nous allons générer des podcasts éventuellement. À la prochaine, ça fait 15 secondes que ça dure.